Seigneur, bonjour. Allô? Allô, allô? Allô? ...57 rue de Varennes, de François Perrache. Rue de Varennes. Troisième épisode. Après une interview difficile à la radio, le Premier ministre Pierre-Yves Gerland s'est rendu à l'Élysée pour une réunion de crise au sujet de la disparition mystérieuse de Jean-Philippe Belansky, son ministre de la Santé. La journée du Premier ministre s'annonce encore longue. Après sa réunion, il s'est rendu promptement en automobile à l'aérodrome de Villacoublay pour une visite d'entreprise en pays breton. Nous sommes lundi 10 janvier. Il est 15 heures. Tendez l'oreille, mes amis. Les machines dans l'usine font beaucoup de bruit. Voilà, alors, ici, monsieur le Premier ministre, on arrive sur les postes d'usinage. Je vous présente Jean-Michel Dodec, qui est notre plus ancien ajusteur. Jean-Michel, vous voulez bien décrire votre poste de travail au Premier ministre, s'il vous plaît ? Bonjour, c'est comment votre prénom ? Jean-Michel. Bonjour Jean-Michel, alors dites-moi, vous avez une bien belle machine, vous fabriquez quoi avec ça ? On peut faire des tas d'opérations avec, par exemple, là, je suis... sur une petite série de 1500 pièces environ. Donc, on prend un tube d'acier de 12, comme celui-ci, et on obtient les pièces chanfreinées que vous voyez dans le bac rouge, juste là. Ah oui, c'est impressionnant. Et vous arrivez à produire combien de pièces comme ça ? Par heure ? Ah bah là, c'est une pièce très simple avec des cycles courts, donc on peut en sortir 80, voire 90 hein, dans l'heure. Le plus long, c'est les contrôles, parce qu'on a des tolérances de l'ordre du micron, hein, sur certaines pièces. Du micron ? Ah, oui. C'est extrêmement précis, ces machines-outils. C'est ce qui se fait de mieux actuellement. Hein. C'est allemand. Ouh là là ! Ouh là là là là ! Ne dites pas ça devant mon ministre de l'Industrie. Son boulot, c'est de faire vendre des machines françaises. Bah, si c'est européen, ça va encore. Ça doit valoir une petite fortune, ces gens-là. Oh, cette machine-là, je crois qu'on l'a acheté un peu plus de 2 millions. Avec ça, on pourrait presque se payer la part du ministre des Finances, ça c'est pour vous dire. Alors, n'allez pas croire ces racontards. C'est comment votre prénom déjà ? Jean-Michel ? Jean-Michel, vous regardez trop la télé, il faut jamais croire ce que racontent les journalistes. C'est quand même vrai que vous, les ministres, vous avez toujours les beaux appartements, Glodec. Les belles voitures, et c'est nous qui payons. Bon, Glodec ! Il plaisante, hein, monsieur le Premier ministre. Vous savez, dans le pays, on n'a pas notre langue dans notre poche. Non, mais il n'y a aucun problème. J'aime quand on me parle franchement. Les visites, ça sert à ça, sinon je resterai au chaud dans mon bureau. Je vais quand même vous répondre, Jean-Michel. Vous me dites, vous, les ministres, ceci, cela, mais comme disait ma grand-mère, vous avez des pluriels bien singuliers. Vous me dites, les ministres, mais personnellement, je n'ai jamais eu le moindre logement de fonction payé par la République. Oh, j'ai pas non plus de logement de fonction, et ma maison, elle appartient à la banque pour encore 25 ans. Reçu. Autorisé alignement et décollage piste 3. Merde ! Merde, merde ! Visite de merde ! Journée de merde ! Collaborateur de merde ! Quand est-ce que vous allez comprendre qu'une visite, ça se prépare, bordel ? Tu sais très bien qu'on peut pas totalement anticiper ce genre d'incident. On avait même vérifié auprès du patron qu'aucun n'était syndiqué ou encarté. On va quand même pas faire un casting des ouvriers pour être sûr de maîtriser ce qu'ils vont dire. Franchement, Laurent, sur ce coup-là, ferme ta gueule! T'as même pas été foutu de nous ramener de la presse nationale. Je me retrouve avec deux feuilles de chou. La feuille de chou, comme tu dis, c'est West France. 750 000 exemplaires en diffusion payante. Quasiment trois fois plus que le Monde. C'est vrai, Pierre-Yves. T'en prends pas, Laurence. Enfin, c'est bon, Hakim, j'ai pas besoin d'un avocat. Non, mais si, si, il faut le dire. On a dû modifier 20 fois le programme à cause de la réunion Belansky. Comment tu veux faire venir la presse dans ces conditions? Enfin bon, vu comment ça s'est passé, c'est pas plus mal qu'il n'y ait pas eu trop de journalistes. Bon, c'est de ma faute. C'est moi le conseiller industrie, c'était à moi de mieux préparer ce déplacement. Mais franchement, si tu t'étais décidé plus tôt, Pierre-Yves, on... Bien sûr, ça va être de ma faute. C'est formidable. Vous êtes une équipe très soudée, ça fait plaisir à voir. Tout le monde dit c'est de ma faute, mais en attendant, c'est moi qui passe pour un con. Eh oui, Joachim, c'est toi le conseiller industrie, donc il faut arrêter de m'envoyer visiter des PME pourries, équipées avec du matériel allemand, et on s'entend même pas parler. Pierre-Yves, excuse-moi, mais quand je te fais visiter un chantier, tu te plains de la boue. Quand je te fais visiter une usine agroalimentaire, tu ne veux pas porter une charlotte. Aujourd'hui, il y avait trop de bruit. Eh ben, c'est ça l'industrie, Pierre-Yves. Et ça reste le cœur de ton électorat en plus. Non, ce n'est pas mon électorat, ce sont mes racines. Je sais d'où je viens et pourquoi je fais ce boulot. Ce type qui m'a volé dans les plumes tout à l'heure, c'est mon père il y a 30 ans. Tu sais quelle était la citation favorite de mon père? Le monde appartient à ceux qui ont des ouvriers qui se lèvent tôt. Bon, puisque tout le monde est de charmante humeur, je propose de continuer dans les bonnes nouvelles. J'ai récupéré les chiffres des baromètres qui vont sortir demain. Tu perds encore entre 2 et 4 points, notamment chez les ouvriers, les CSP-. Oh non, pas aujourd'hui, j'ai eu ma dose, viens pas m'emmerder tes sondages. Écoute Pierre-Yves, les codes de popularité, c'est peut-être pas la panacée, mais c'est quand même un bon thermomètre. Exactement, Hakim. Tes sondages, c'est comme les thermomètres. Ça prend la température et ça fait mal au cul, mais ça n'a jamais guéri personne. Ce dont j'ai besoin, c'est du solide, du concret. Je me fous de savoir si j'ai perdu 2 ou 4 points si ce connard de Mercadal est à 15 ou 20 points devant moi. Ouais, bah tu crois pas si bien dire, l'écart s'est encore creusé avec Mercadal. Il caracole en tête et il progresse, notamment chez les femmes. Mmh. Pendant ce temps-là, toi, tu continues à traîner une image débonnaire, pas très sexy. La semaine dernière, Vanity a titré « Pierre-Yves Gerland, 2 points, pig, le style Maquignon à Matignon », avec une photo de toi complètement débraillée au salon de l'agriculture. Arrêtez, Hakim et toi avec ça. Je suis Premier ministre, pas candidat à Miss France. J'ai accepté de perdre 8 kilos en un an. J'ai fait un effort pour les costards. J'ai pas l'intention de faire des UV et des implants comme Cavalieri. Alors Mercadal, il est beau, il est jeune, il fait du sport, il plaît aux femmes, tant mieux pour lui. À mon avis, il progresse surtout parce qu'il est poujado, raciste et qu'il va faire le pan dans les émissions à la con. Comme tu voudras. Mais tant que sur Internet, tu te feras surnommer Pig ou Le Cochon et tant que ta marionnette s'appellera Nouf Nouf, ça sera difficile pour nous de travailler sur ton image. Sois pas blessant, Hakim, s'il te plaît. Oui, pardon, excuse-moi, je te demande pardon. Enfin, tu sais bien que nous, les musulmans, on n'aime pas le porc. Hein? C'est vrai que je n'avais pas pensé. Un arabe qui travaille pour un cochon, c'est pas cachère, ça. Un cachère, c'est pour les juifs, Pierre-Yves. Nous, oui, on dit halal, je sais, merci. De toute façon, t'es pas plus musulman que moi. Oula, dis pas ça à ma mère, tu la tuerais. Bon, allez, tu veux du concret? J'en ai, mais je te préviens, ça va pas te plaire. Sur l'affaire du logement de fonction à Bercy, on est vraiment, vraiment dans la merde. On peut être sûr que demain matin, toute la presse en parle. Le challenge, ça va être de limiter la casse. Laurence, tu as appelé quelques rédactions pour savoir un peu comment ils vont traiter l'info? Non, j'ai pas eu le temps. Je m'occupais de faire venir France 3 Bretagne. Ah non, il faut surtout pas appeler les journalistes. Pas la peine de leur montrer qu'on s'inquiète. De toute façon, la presse va se faire déborder par l'opinion elle-même. On n'a pas encore eu le temps de faire de sondage, mais le SIG nous a pondu une note en milieu de matinée qu'ils ont mise à jour vers 15h, avec tout ce qui se dit sur Internet. Et alors? Mais alors, ça pue! Ça pue, des dizaines de sites reprennent la dépêche en page d'accueil, c'est l'actualité la plus commentée sur les réseaux, le site web de Bercy est pris d'assaut, notamment pour écrire au ministre, et toi aussi, depuis ce matin, t'as reçu 20 fois plus de mails que d'habitude sur le site de Matignon. T'aurais même reçu plus de messages qu'au moment de ta nomination, et encore, hein, ils ont arrêté vers 15h, le pointage. Et ils disent quoi, ces mails? D'après le SIG, c'est 5% de soutien, 95% de messages très remontés sur le thème, tous pourris. Ils demandent presque tous la démission du ministre, et ce qui est encore plus mauvais, c'est qu'ils s'en prennent à toi aussi. À le risque, pour être clair, c'est que ça fasse tache d'huile. Mmh. Ton argumentaire sur le fait que toi, tu n'aurais jamais eu de logement de fonction n'est pas passé. Mais c'est vrai! Je n'ai jamais eu de logement de fonction! Alors, martelons ça au maximum. Le Premier ministre, lui, n'a jamais eu de logement de fonction. Il a réduit le train de vie de Matignon. Etc, etc. Mmh. En attendant, on ne peut pas lâcher Bercy, pas en pleine tempête. Il faut surveiller ça de près et voir comment ça évolue. En tout cas, il a vraiment déconné, Joyau. Mercredi, je lui passe un savon devant tout le monde. J'espère que le président en fera autant. Maintenant, il faut qu'on trouve une porte de sortie. On peut pas rester dans un appart à 10 000 euros par mois aux frais des contribuables. 15 000 euros, Pierre-Yves. Plus une bonne et un cuistot. Ah, journée de merde. Mmh. Monsieur Mercadam, le directeur de la DCRI est arrivé. Ok, qu'il entre. Bonjour, monsieur le ministre. Alors, on en est où sur Belansky? On sait ce qu'il est allé foutre au Botswana? On a découvert que Jean-Philippe Belansky, en tant que chirurgien, est parrain d'une association franco-africaine d'aide médicale. Tenez. Officiellement, il est allé à Gaborone assister à l'inauguration d'un bloc chirurgical financé par cette association. Où ça? À Gaborone, la capitale à l'extrême sud du pays. Il n'y serait resté que quelques heures avant de remonter avec sa famille dans la région du Kalahari, qui est une réserve de chasse dans le centre du pays. Il a mis sa femme et ses enfants dans une résidence de luxe et il s'est réservé de son côté un safari de 5 jours avec un guide local pour un montant de 2 100 € hors taxe. Mais il a disparu la veille du safari. Mais vous êtes en train de me dire que Belansky est allé chasser l'éléphant en Afrique? Les médias vont adorer. Et dans son dossier, vous avez des trucs intéressants? Il a reçu des menaces? Très peu de choses pour l'instant. Sa carrière politique est relativement récente et sans événements très remarquables. Notre dossier est assez vide. On a quelques opérations immobilières douteuses dans les dom-tom. Un compte non déclaré au Luxembourg, rien de très grave. Pas mal de maîtresses, mais sa femme semble fermer les yeux. Et un fils toxicomane d'un premier lit avec lequel il n'aurait plus de contact depuis plusieurs années. Sinon, rien de probant. Donc on n'a aucune idée de pourquoi il se serait fait enlever. Aucune explication sur le fait qu'un ministre dont tout le monde se fout soit tout à coup la cible d'un groupe terroriste ou de je ne sais pas qui dans un pays sans problème. On a reçu une revendication? Pas encore, à ma connaissance. Mais sur ce chapitre, la DCRI n'est plus compétente. Il faudrait s'adresser à la DGSE. Et ils donneront le minimum d'informations. Je crois savoir d'ailleurs qu'ils n'ont aucune piste sérieuse pour l'instant. Pas de revendication. Et aucun groupe terroriste connu dans la région. Ok, donc attendons qu'il se manifeste. Et continuez à chercher dans son entourage et autres. Merci. Ah, qu'est-ce que je voulais dire? Oui. Pour info, je viens de demander au DGPN de me faire une note très précise sur la protection de Belansky avant son départ. Que les choses soient bien claires. Le SPHP a fait son boulot et on n'a rien à se reprocher. Matignon va essayer de me faire porter le chapeau, mais ils peuvent aller se faire foutre. On est couvert. Avant de partir, monsieur le ministre, je vous donne aussi les informations que vous m'avez demandées concernant le logement de fonction du ministre des Finances. Je vous ai mis une note avec l'article du Canard qui sortira mercredi. Apparemment, ce serait une jeune conseillère du ministre sur le départ qui aurait tout balancé. Il y a quelques exagérations, mais dans l'ensemble, toutes les informations dans l'article sont exactes. Ok, merci. Et dans les médias, ça réagit comment sur cette histoire? Les médias, c'est trop tôt, on vous fera une note demain matin. Mais d'ores et déjà, dans l'opinion, les RG sont très clairs. Le ministre est en sursis et tout le monde veut sa démission. Matignon est indirectement touché. Il y a le feu et à moins de se débarrasser de lui très vite, le Premier ministre pourrait bien tomber avec. Bien, parfait. Enfin, parfait, je veux dire. Continuez à me tenir au courant au plus près. Bonsoir, monsieur. Le voyage s'est bien passé? Formidable, Michel. Il a flotté toute la journée. Je me suis fait ridiculiser par un ouvrier. J'ai encore perdu 4 points dans les sondages. J'adore ce boulot. Pierre-Yves, je peux te parler en privé une minute? Oui. Vous pouvez nous laisser, Michel. Je suis désolé, madame Vignon, je n'ai pas le droit. Si, si, Michel, allez-y. Je bouge pas d'ici, promis. Qu'est-ce qu'il y a, Laurence? Tu sais très bien ce qu'il y a. Ne me parle plus jamais comme ça, surtout devant Hakim et les autres. Attends, Laurence. Non, laisse-moi finir. Tu te permets de me parler sur ce ton parce que je suis une femme? Mais pas du tout. Tu sais parfaitement que j'ai raison. Tu te comportes avec les femmes comme le dernier des machistes. Même les ministres, tu les traites comme des moins que rien. Et je ne te parle même pas de ton attitude avec ta propre épouse. Quoi? Qu'est-ce qu'il y a avec Isabelle? Tu sais très bien de quoi je parle. Mais moi, je ne suis ni ministre, ni ta femme. Alors si t'es pas content de mes services, tu peux mettre fin à mon contrat quand tu veux. Sinon, je te demande de me respecter. Laurence, la journée a été difficile. On est tous fatigués, Pierre-Yves. Matignon, c'est l'enfer. Tu le savais en acceptant ce poste. Pour ma part, j'ai choisi d'être auprès de toi. Ça fait 15 ans que je te suis et que je te supporte, dans tous les sens du terme. Bon, désolé, vraiment. La prochaine fois, j'essaierai de... Il n'y aura pas de prochaine fois, Pierre-Yves. Attends, Laurence, monte avec moi dans la voiture, on va discuter. Je t'ai dit tout ce que j'avais à dire. Je rentre avec Hakim et on n'a dit pas sur la planche pour essayer de remonter ta cote de popularité. Putain d'hystéro. Bon, Michel, on y va. Bien, monsieur. monsieur. C'est l'heure, ça, Michel? Oui, monsieur. Il est 18h01 exactement. Vous pouvez mettre les infos? Et à la fin de cette édition, retour sur la victoire historique de l'équipe féminine de basket. Les Diablesses ont raflé leur premier titre mondial. Mais tout de suite, l'info du jour, c'est bien sûr cette polémique qui frappe le ministre des Finances. Montez voir un peu le son. Stéphane Joyot s'offre un train de vie fastueux aux frais de Bercy. En fait, Sylvie Clermont, il occuperait un appartement de plus de 400 mètres carrés. Selon le Canard Enchaîné à paraître mercredi, le ministre des Finances occuperait depuis 18 mois un appartement de 425 mètres carrés à deux pas des Champs-Élysées pour un loyer de 15 700 euros intégralement pris en charge par Bercy. Stéphane Joyot aurait en outre fait réaliser une remise à neuf de cet appartement et des aménagements pour un montant total de 125 000 euros. Enfin, une garde d'enfants et un cuisinier personnel seraient mis à sa disposition. Les explications données aujourd'hui par le principal intéressé lors du congrès annuel des notaires de France semblent bien embarrassées. Les informations concernant mon logement de fonction, je ne les dis pas, même si je n'ai pas lu l'article en question. En revanche, des chiffres farfelus circulent. Plus exact que mon loyer est pris en charge par le ministère, et comme c'est le cas pour tous les membres du gouvernement. Putain, mais quel con ! De salariés sont mis à ma disposition pour s'occuper notamment de mes enfants. Ce qui me permet de consacrer toute mon énergie à mon activité ministérielle. Oh, quel con, mais quel con ! Les explications suffiront à calmer les esprits. L'opposition demande déjà une enquête parlementaire. Elle réclame même la transparence sur les avantages dont bénéficient l'ensemble des membres du gouvernement. Ah, oui. Merci, Sylvie Clermont. On le voit donc que l'affaire est délicate pour le gouvernement. Le Premier ministre était notre invité ce matin. Écoutez sa réaction pour le moins embarrassée. Connasse ! Je découvre en même temps que vous cette dépêche. Les chiffres annoncés m'ont l'air bien fantaisistes. Concernant les allégations que vous relayez sur Stéphane Joyot, je n'ai pas d'informations précises, mais j'imagine qu'une fois de plus, il s'agit d'une tentative de déstabilisation d'un ministre qui a toute ma confiance. Il s'agit là encore de petites polémiques journalistiques, mais le cap de mon gouvernement est clair. Et notre bateau ne va pas tanguer sous l'effet de ce clapotis médiatique. Oh là là là. Et dans la journée, le Premier ministre a visité... Eh bah allez, ils ont coupé toutes mes explications, évidemment. L'un des salariés l'a interpellé sur l'affaire. Nous y reviendrons plus longuement dans notre édition de 19h. Mais l'autre actualité politique du jour, c'est le déplacement de Pablo Mercadal dans la banlieue de Grenoble, où plusieurs camps de Roms illégaux ont été démantelés à l'aube. Le ministre de l'Intérieur a réaffirmé avec force la détermination des autorités. Non, Michel, coupez-moi cette radio. J'ai entendu assez de conneries aujourd'hui. Oui, Christian. Je suis dans la voiture, on vient de quitter Villacoublay. Oh non, une journée épouvantable. Ouais, je viens d'entendre. Bah, bilan, j'ai droit à 10 secondes dans le journal et Mercadal aura 1 minute 30 parce qu'il va casser du rhum. En plus, je me suis engueulé avec Laurence. Non, non, rien de grave, je te raconterai. Bon, qu'est-ce que tu voulais me dire? Merde, quand ça? C'est signé? Putain, c'est en train de dégénérer, là, Christian, il faut reprendre la main tout de suite. J'appelle le président pour avis. En attendant, organise-moi au plus vite un rendez-vous discret avec le colonel Michaka. Écoute, Christian, je sais ce que je fais, alors fais ce que je te demande, trouve-moi Michaka, je veux le voir ce soir. Oui, j'arrive et on en parle. À tout de suite. Merde, merde, merde, merde, merde. Tout va bien, monsieur? On a reçu une lettre de revendication pour Belansky. Avec une phalange à l'intérieur. Vous nous ramenez à Matignon au plus vite, Michel. Oui, monsieur. Et toujours de la pluie. I bodies fall but mine. Rue de Varenne, de François Perrache. Troisième épisode. Hervé Pierre, Binda Ngazolo, Laurent Lederer, Charlie Nelson, Yannick Chouara, Emeline Bayard, Guillaume Clémencin, Louis-Do de Langzin, Cécile Combe, Jean-Claude Durand, Vincent Némette, Jean-Christophe Lebert, Flora Brunier, Judith Henry, Antoine Sastre, Florent Favier, et la présence de Amélie Heinz, Donatien Guillot, Jean-Christophe Fraîche, François Perrache, Pauline Riba, Patrick Mandon, Pierre Carbonnier, Philippe Cotten, Delphine Léonard et Elodie Fiat. Bruitage, Sophie Vicente. Conseillère littéraire, Emmanuelle Chevrière. Remerciements à la SGDL, Société des gens de lettres, pour leur accueil amical. Stagiaire, Julie Guichard. Prise de son, montage et mixage, Stéphane Desmonts et Annie Bosselet. Assistante à la réalisation, Yaël Mandelbaum. Réalisation, Cédric Aussi. She asked me why. I just went on told her. She asked me why. I just went on told her. You know what?